Sans un bon salon, je fais jamais rien de bon. Je sais que c'est à toi de prendre la direction. Je vais nourrir de la société. Petit esclave, la pauvreté. J'ai l'air de con qui tourne en rond. Sans savoir quel mieux à faire. Je me tends silence par ceux qui pensent. Au lieu d'écraser, je me mets sur le jeu. La seule façon de faire la pression, c'est de faire la révolution. Faut pas quoi gagner avec les compagnies. Ils veulent m'enrichir, c'est un peu faible.